AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Artémise, une femme à la barre en mer Égée. Mais qui était Artémise? Non, ce n'est pas Artémise, hein, la déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements. Déesse essentielle, hein, puisque tous les Grecs, toutes les Grecques lui doivent la vie. Ce n'est pas non plus Artémise, reine de Carie, à qui l'on doit un mausolée pour son mari, Mausole, une des sept merveilles du monde. Ce n'est pas non plus l'Artémise, sympathique plante odorant. Il s'agit bien d'Artémise, une femme capitaine de vaisseau dans l'Antiquité grecque. Violaine Sibillotte-Cuchet, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous rencontré Artémise? Je l'ai rencontrée par Hérodote. Je pense que c'est la source principale. Et d'ailleurs, on l'appelle parfois l'Artémise d'Hérodote, pour la distinguer des précédentes, des autres Artémises que vous avez citées, pour commencer. Hérodote est le seul à en parler, le premier plutôt. Plutôt Hérodote est le premier à notre connaissance à en parler. Et les sources postérieures, on a vraiment le sentiment qu'elles elles élaborent à partir du texte d'Hérodote. Bon, Aristophane, par exemple, hein, qui est postérieur à Hérodote, un petit peu postérieur, hein, qui écrit une trentaine d'années après ses pièces comiques à Athènes. On a vraiment le sentiment qu'il fait référence à des allusions, une allusion simplement au récit qu'Hérodote compose pour Artémise d'Halicarnasse. On peut l'appeler aussi Artémise d'Halicarnasse. Oui, parce qu'il y a ce lieu, Halicarnasse, où nous trouvons-nous? Alors Halicarnasse, aujourd'hui, c'est Bodrum en Turquie. Donc on se trouve donc aujourd'hui en Turquie, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'Asie mineure, ce qu'on appelle encore l'Asie mineure pour l'Antiquité. Et on est, si vous voulez, un petit peu au nord de Rhodes, donc la côte sud-ouest de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, sur la côte. Et Halicarnasse, c'est une cité grecque. C'est une cité grecque qui a été fondée par des Grecs venus du Péloponnèse. En tout cas, c'est ce que la tradition raconte à propos d'Halicarnasse, et probablement à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une vieille implantation grecque à Halicarnasse, dans un contexte asiatique, Asie du Sud-Ouest, où se trouvent des populations qui parlent aussi d'autres langues, notamment le carien. Et à l'époque d'Artémise, ce contexte-là, c'est aussi une cité qui est sous la suzeraineté de l'Empire perse, des grands rois, et en l'occurrence des grands rois Xerxès. Oui, parce qu'il parle le carien, puisque la région est la Carie, sans qu'il soit question de dentiste. Mais il est par contre nécessaire de composer avec ce voisin perse, enfin cette domination perse. Violaine Sibillotte-Cuchet, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. À Halicarnasse, il y a cette reine, Artémise. Est-ce logique, normal, cohérent, totalement surprenant qu'une femme soit à la tête d'une cité? Alors, du point de vue des historiens grecs, des historiens ou des historiens de l'Antiquité grecque, c'est tout à fait surprenant. Mais c'est parce que on a l'habitude de raisonner pour le monde grec à partir des cités qu'on va dire démocratiques, hein, Athènes, Sparte. Donc le pouvoir est entre les mains des citoyens, des hommes uniquement. Je ne rentre pas encore dans le détail du fonctionnement, mais c'est vrai que le pouvoir, les institutions politiques sont entre les mains uniquement des citoyens. Donc du point de vue d'un historien qui travaille sur le monde grec, c'est quelque chose de quasiment impossible, et c'est ce qui explique pourquoi Artémise a été reléguée du côté du monde barbare. Parce qu'en revanche, quand on est dans d'autres... Il existe à cette époque-là, je vais le dire comme ça, des territoires qui sont organisés sous le modèle, ou en tout cas de la dynastie. Et dans les modèles dynastiques, il arrive, lorsque il n'y a pas de fils, ou lorsque le fils n'a pas du tout envie, ou le frère n'a pas du tout envie, ou ça ne fonctionne pas, bref, il arrive que ce soit la fille qui prenne le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé pour Artémise. Elle est fille de Lycdamis, Elikdamis était le précédent roi, on va dire roi, dynaste, on ne sait pas très bien comment le dire. On peut aussi dire tyran, c'était un terme neutre à l'époque, pour dire celui qui est la tête de la cité d'Halicarnasse. Et c'est en ce sens, elle est dans la fonction en fait légitime d'héritière et de reine, on peut dire, de la cité d'Halicarnasse. Et ça se trouve donc dans d'autres cités. C'est un paradoxe sans nom, cette posture d'Artémise, au sens où elle est grecque, dans une cité grecque, mais dans un monde considéré barbare, celui des Perses. Il y a un petit sentiment d'entre-deux au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Halicarnasse, avec cette reine Artémise. Il y a un sentiment d'entre-deux quand on se place du point de vue des Athéniens. Il y a un sentiment d'entre-deux quand on se place du point de vue des Perses uniquement. Mais quand on se place du point de vue égéen, de l'Égée, on est dans cette région où des Grecs ont beaucoup bougé depuis le deuxième millénaire, je vous l'ai dit. Ils sont des deux côtés des rives de la mer Égée. Et on va trouver des régimes démocratiques, des régimes dynastiques. On va trouver une domination à un moment qui est lydienne, puis perse. Et donc, on a cet entre-deux ou cette mixité culturelle. Je ne sais pas très bien. Moi, j'ai parlé de middle ground parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise en histoire pour décrire une réalité qui est celle-là. Je ne dirais pas entre-deux, sauf à adopter un point de vue qui est le point de vue athénien, par exemple. C'est très important, toujours, de bien saisir de quel point de vue l'on parle, surtout quand il est question de cette antiquité du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce regard porté sur Artémise, une femme capitaine de vaisseau dans l'antiquité grecque, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez, Violaine Sébiote Cuchet, chez Fayard. Avec ce trait d'union entre toutes ces cités grecques, mais on peut aller même au-delà, entre tous ces mondes, si l'on prend cette idée de monde barbare, ce trait d'union, c'est la mer. Le miracle grec, triomphe de l'ordre et de l'intelligence sur le chaos, source de toute la civilisation occidentale. Il éclate au 5e siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Périclès, dans l'harmonie des temples comme ici celui de Sounion, près d'Athènes. Et chaque fois, l'aventure naissait du mariage entre la mer et la terre, comme le sait bien le navigateur solitaire Bertrand de Castelbajac. Regardez. Vous avez une belle mer, vous avez toute cette archipel. Le meilleur moyen de communication ici, c'est le bateau. C'est beaucoup plus facile que par la route. Et puis sur la terre, il n'y a rien. Regardez ces terres qui sont là, il y a tout juste de quoi nourrir une chèvre. Un homme ne peut pas y trouver sa nourriture. Il est obligé d'aller pêcher au minimum. Et puis après, il devient un peu pirate. Ils ont tous été un peu pirates, il n'y a pas que les Grecs. Bon. Ils étaient obligés de devenir marins. Même par nécessité, même s'ils n'en avaient pas le goût, on n'en demandait pas leur avis. Il fallait qu'ils deviennent marins pour survivre. L'émission Les Grandes Batailles du passé en 1976, avec cette évocation du miracle grec et de la mer, Violaine Sébiote Cuchet, toujours ce positionnement, où se placer pour regarder cette histoire-là. La mer Égée, en fait, n'est pas une séparation, bien au contraire, et la cité d'Halicarnasse en Asie mineure est reliée avec les autres cités grecques, celles du continent. Oui, la mer, effectivement, on l'entend très bien dans ce témoignage, c'est un moyen de connexion en fait, donc entre les différents îlots, les littoraux. Alors, on va pas mettre de côté le fait qu'il y a aussi tout un aspect agricole du monde grec, il faut pas l'oublier, la Grèce ce n'est pas simplement le littoral, donc là on se penche sur aussi une partie du monde grec, il y a l'intérieur des terres, la Thessalie, la Macédoine, l'Épire, etc. Mais quand on est, là, Halicarnasse, en tout cas, en l'occurrence, et Artémise, on est effectivement sur le bord de la mer. Artémise, elle domine la cité d'Halicarnasse, mais également des petites îles qui sont à côté, Kos, Nyrziros, Kalymna. Et donc, elle est forcément sur mer. On peut pas dominer, c'est une maîtresse d'un coin de mer. Et effectivement, il y a aussi l'évocation de la piraterie. Les ressources de ces populations sont des ressources aussi qui sont des ressources liées à la piraterie. Ils en font une spécialité même, en Carie en particulier. On ne peut pas mettre de côté l'intérieur des terres, vous avez bien raison de le dire. Mais alors pour l'Asie mineure, on ne peut pas la mettre de côté, cette influence perse. Parce qu'elle est là, elle est juste ici. Comment la reine d'Halicarnasse, Artémise, compose avec cette présence perse ? Alors, la présence perse, elle est là donc depuis le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc avant Artémise. Il y avait ce cadre-là de domination perse, avec Cyrus le Grand, puis les rois qui ont succédé, Darius, puis Xerxès à l'époque donc de notre Artémise. Et la composition, en fait, elle est imposée par le pouvoir perse. C'est un pouvoir qui est assez souple, on le caractérise comme ça, assez souple, je ne sais pas si c'est une manière de parler, parce que bon, malgré tout, ça reste une domination, qui impose un tribut. Donc il faut apporter un tribut annuel et qui impose aussi la réquisition de troupes pour la guerre. Et c'est dans ce cadre-là qu'Artémise se retrouve intégrée dans l'armée de Xerxès lors de la Deuxième Guerre Médique. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle est décrite par Hérodote comme capitaine de vaisseau dans le cadre de cette grande armée. Eh bien justement, le mieux ici est de laisser la parole à Hérodote parce que c'est cette source magistrale. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, hein, Violaine, Sébillotte, Cuchet, Artémise, eh bien, il est là, Hérodote, tout le temps. Et c'est magique hein, de voir ces parcours qui se croisent, parcours de l'historien qui regarde Artémise, mais aussi peut-être un peu du témoin. Hérodote qui parle d'Artémise. Des autres officiers, je ne fais pas mention, ne m'y sentant pas obligé, mais je fais une exception pour Artémise, que j'admire fort d'avoir pris part à l'expédition contre la Grèce, bien qu'étant une femme. Après la mort de son mari, elle prit elle-même le pouvoir, ayant encore un jeune garçon à la maison, et prit part à l'expédition, animée de sa seule ardeur et de son viril courage, libre de toute contrainte. Elle s'appelait Artémise, fille de Lygdamis. Elle était de filiation halicarnassienne par son père et crétoise par sa mère. Elle régnait sur Halicarnasse, Kos, Nisiros, Kalymnos, et fournissait 5 vaisseaux. De toute la flotte, ces navires étaient, après ceux des Sidoniens, les plus réputés. Et de tous ceux qui prirent part à l'expédition, c'est elle qui donna au roi les meilleurs avis. C'est Vanda Bénès qui, dans le cours de l'histoire, lisait cet extrait des histoires d'Hérodote. Oh là là, mais quel beau texte, Violaine Sébillotte-Cuchet, parce que c'est le point de départ, en fait, de votre enquête, de cette histoire d'Artémise. Fascinant, ce texte, parce qu'il contient beaucoup de choses. Déjà, Hérodote dit qu'il l'admire fort. Alors, pourquoi l'admire-t-il? Parce qu'il y a un lien de ses presque contemporains. Oui. Ça... La question de l'admiration d'Hérodote, c'est en fait tout l'enjeu du livre quasiment, parce qu'il faut comprendre si cette admiration, elle est provoquée par la réception qu'elle provoque auprès des contemporains d'Hérodote. Et la force de cette réaction suscite chez lui une admiration d'autant plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'effet, en fait. Qui s'alimente de la manière d'être d'Artémise et de la réaction que ça provoque chez les contemporains, notamment les Athéniens. Donc il y avait ça. Après, au premier degré, on peut dire que l'admiration, bah, c'est quand même... c'est une femme qui, il le dit, il l'écrit, c'est une femme qui est mère déjà. Hein. Elle a un jeune enfant, je ne sais pas s'il est très jeune ou s'il est adolescent, qui aurait très bien pu envoyer un capitaine de son armée et qui décide d'y aller elle-même. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Bon, et qui en plus, il l'admire parce qu'il admire aussi ce coup d'éclat qu'elle a réalisé, qui est un coup d'éclat un peu déloyal, hein, peut-être qu'on y viendra, dans la mer Égée pendant la guerre. Et je pense aussi qu'il l'admire parce que, en tout cas c'est mon interprétation, moi j'ai pas mal insisté là-dessus, il l'admire aussi parce que finalement elle est l'occasion de contredire l'image que les Athéniens se font des femmes et le jugement qu'ils portent sur elles. Puisque les Athéniens avaient mis sa capture à prix, tant il leur était intolérable, dit Hérodote, qu'une femme participe à la guerre, leur terrain réservé. Et ça, j'ai le sentiment qu'Hérodote, puisqu'on a des indices, hein, j'ai pas le sentiment, ça vient pas comme ça, je le prouve, j'ai des indices qui montrent que Hérodote admire d'autant plus Artémise qu'elle se joue en quelque sorte des Athéniens, qu'elle leur échappe, et que... qu'elle leur échappe à son bénéfice à elle en étant admirée par tous ceux qui étaient présents lors de la bataille de Salamine. Oui, parce que c'est cela qui se joue. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les guerres médiques et en l'occurrence, c'est la seconde guerre médique où Artémise, agit à la tête de cette flotte d'Halicarnasse associée aux Perses. Et dans le regard porté par Hérodote sur cette reine d'Halicarnasse, il y a quelque chose. Alors, je n'utilise pas des mots qui seraient complètement anachroniques, mais de patriotisme, parce que c'est pas du tout ça. Mais malgré tout, Hérodote est né à Halicarnasse. C'est sa reine. Oui. C'était sa reine, enfin c'était la reine de ses parents probablement, parce que lui il a écrit quand même vers les années 440, Artémise, là l'histoire dont il parle c'est 480, il y a une quarantaine d'années, elle était déjà adulte, voilà, et lui, bon on peut penser qu'il est né à ce moment-là, disons à peu près, un petit, peut-être qu'il avait déjà 5 ans, donc ça a été sa reine effectivement à un moment, et d'ailleurs on a reproché dans la tradition postérieure à Hérodote de faire preuve de chauvinisme, en disant, oui il l'admire parce que c'est quelqu'un qui vient de sa propre cité, C'est une forme de chauvinisme ou d'esprit de clocher. C'est ce que reproche plus tard qu'à Hérodote. Bon, donc il y a ce côté-là. Et après, d'autres reproches s'y agrègent. Le fait de mettre en avant, de mettre en valeur et d'admirer une figure dite barbare. Mais dite barbare par qui? Par les Athéniens. Évidemment, pas par Hérodote. Hérodote, il emploie le terme de barbare comme un descriptif, simplement pour dire les gens que les autres qualifient de barbares, ceux qui parlent pas le grec, les Perses par exemple. Violaine Sibiot-Cuchet, mais dans ces critiques, il y en a une première qui vient à l'esprit tout de suite. Vous nous dites qu'Artémise est une reine grecque, d'une cité grecque, Halicarnasse, en Asie mineure, très bien, mais qu'elle combat du côté des Perses. Mais alors ça, évidemment, la notion de traîtrise apparaît tout de suite. En fait, ce n'est pas du tout avec ce schéma d'analyse qu'il faut lire l'histoire d'Artémise. Non, parce que, et là, il faut vraiment être très clair sur le fait que quand on parle des guerres médiques, il s'agit d'une guerre qui oppose les Grecs d'Europe, et encore pas tous, et les Perses. Mais les Grecs d'Europe ne sont pas tous les Grecs. Donc il y a toutes ces cités grecques qui sont sur la côte d'Asie mineure en Turquie, et ces cités grecques, depuis le milieu du 6e siècle, je l'ai dit tout à l'heure, sont sous la domination perse. Et donc, eux, ils sont loyaux, d'une certaine manière, oui, on peut le dire comme ça, à leur suzerain, aux Perses. Ils y trouvent certains avantages, parce que le grand roi leur laisse quand même une certaine liberté, autonomie locale. Voilà, c'est de ce dynaste, c'est une tradition dynastique locale. Bon, ces rois, ces reines restent en place. Et donc, on a là, donc, des Grecs qui participent tout à fait régulièrement à la guerre qui oppose non pas les Grecs et les Perses, ça c'est une formulation trop schématique, mais les Grecs d'Europe, certains Grecs d'Europe coalisés, et l'Empire perse avec des Phéniciens, des Sidoniens, des Grecs, des Perses, etc. Oui, c'est bien comme analyse. Il faut remettre les choses en place parce que sinon on ne peut pas comprendre dans un schéma extrêmement binaire les gentils, les méchants, les Grecs, les Perses, cette position d'Artémise. Mais alors, Violaine Sibiot-Cuchet, Artémise, reine d'Halicarnasse, décide elle-même de commander les vaisseaux au moment des guerres médiques. Formidable, mais encore faut-il pouvoir le faire? C'est pas simple, faut savoir. Elle dispose de connaissances particulières. Alors, c'est une question très difficile. Pour y répondre, on a peu d'éléments, alors ça va être par déduction. Très probablement une expérience de la mer, du fait de cet environnement maritime et de cette culture maritime qui est celle de la région. Je vous l'ai dit, la Carie, elle est réputée, et les Grecs de Carie, on les appelle les Ioniens aussi pour prendre une appellation générale, sont réputés pour être d'excellents marins, des pirates, ils connaissent très très bien la mer. Donc je pense qu'on ne peut pas, imaginer qu'elle ait été coupée de ce monde-là. Dans son expédition, elle est là pour donner les ordres, elle est chef de guerre, elle est sur le bateau, elle va donner les ordres, donc elle sait ce qu'il faut faire, donc elle a forcément une connaissance aussi des techniques de la navigation, et elle a avec elle des artisans qui connaissent peut-être de manière plus concrète la manière de réparer un bateau, de monter les voiles, des pilotes qui connaissent peut-être un peu mieux qu'elle les constellations, encore que c'est des choses qui font partie d'une éducation qu'on pourrait dire quotidienne, quand on vit au bord de la mer, et que quand c'est la seule manière de se repérer sur un bateau. Donc, tout ça, très probablement, mais je vous le dis, très probablement, je suis quand même historienne, je me méfie de ce que je vais vous dire, très probablement, c'est des choses qu'elle connaît, ça fait partie de son univers. Et puis dans votre analyse, Violaine Sibiot-Cuchet, il y a ce texte d'Hérodote dont nous parlions il y a quelques instants, sa filiation, elle vient d'Halicarnasse par son père, et de Crète par sa mère. Ben voilà, ça aussi, vous l'apportez comme un élément, non pas explicatif, mais d'hypothèse pour saisir comment cette femme est devenue capitaine de vaisseau. Oui, la Crète est réputée à cette époque-là, et tu sais dit comment ces histoires, la guerre du Péloponnèse, fin du 5e siècle, en rappelant que la première thalassocratie, c'est la thalassocratie crétoise. Minos, les vaisseaux crétois, donc les Minoens, c'est très très ancien, très très très très vieux, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec notre propre Artémise. Néanmoins, ça participe en fait d'une culture maritime, et ça montre aussi que si sa mère vient de Crète, il y a eu cette mobilité aussi sur la mer de gens, de ses parents, d'ancêtres, et donc il y a cette habitus, cette culture de la mer dans la famille d'Artémise. Et puis dans cette culture, évidemment, il y a Ulysse. Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content. Tu ne l'es pas, toi ? Je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un autre qui attend sa part et qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire, les îles, les démons, les géants. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. Quel silence. Je n'entends même plus le bruit des rames. Regarde! Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons! Ne restons pas là, Ulysse, ne perdons pas de temps. Ah bah, vaut mieux se méfier des sirènes, hein. Ce n'est pas Ulysse, c'est Kirk Douglas, mais si c'est un peu Ulysse, en fait, dans le film de Mario Camerini en 1954. Violaine Sébillotte Cuchet, cet écho à Homère, à l'Odyssée. Et c'est aussi une réflexion sur comment raconter. Artémise, c'est un peu une épopée qu'elle vit. Sauf que c'est Hérodote qui la raconte. Et Hérodote, ce n'est pas un poète. Hérodote se place en posture d'historien, mais pas l'historien, l'historienne comme nous l'entendons aujourd'hui. Quelle est la démarche d'Hérodote ? Oui, Hérodote, il faut se replacer probablement dans la manière dont il compose et pour qui il compose et dans quelles occasions il raconte ses histoires. Et là, il est dans une tradition qui est la tradition quand même des concours poétiques. Et du coup, ces concours poétiques pour lesquels on la connaît surtout pour les Aèdes, tel Homère, donc, qui dans des banquets publics ou dans des concours publics, dans des sanctuaires, les foules se rassemblent et il y a un poète qui vient déclamer donc, l'histoire d'Ulysse, par exemple, la guerre de Troie, etc. Et Hérodote, il a ça en tête, c'est-à-dire ces récits qui font venir les foules et qui permettent d'obtenir un prix pour être jugé comme un très bon poète ou un très bon conteur. Et cette manière, c'est la manière d'Hérodote pour écrire ce que nous on appelle écrire l'histoire, c'est d'abord raconter les hauts faits, les exploits accomplis par les Grecs, les barbares, encore une fois, les appellations de l'époque pour désigner l'ensemble de l'humanité, en gros. Donc les hauts faits de l'ensemble de l'humanité connus pour Hérodote. Et donc lui, ce qui va le distinguer des poètes comme Homère, c'est qu'il va partir d'une véritable enquête pour aller interroger les populations. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Quelle est la merveille du monde dans votre cité ? Quelle est votre histoire un petit peu étrange, particulière, qui pourrait intéresser l'auditoire ? Et donc, c'est ça sa manière de faire. Et donc, il va à la fois utiliser un matériau concret, réel, historique pour nous, et ça, c'est notre matière à nous, historiens, pour aller reconstituer, rechercher le passé. Et en même temps, il va en quelque sorte le fictionnaliser pour le rendre intéressant, pour séduire le public, pour que ça marche et pour qu'il obtienne des prix. Et ça fonctionne, il obtient des prix. Oui, ça c'est important parce que voilà, il y a toujours aussi une économie presque de la création, déjà dans l'Antiquité. Dans cette étude que vous consacrez à Artémise, Violaine Sébillotte Cuchet, il y a quelque chose de fascinant de se dire que ce texte d'Hérodote, un passage qui parle d'Artémise, est ensuite repris, hein, vous le retrouvez, mais il y a toujours ce fil à construire avec un personnage qui, on l'a dit, fascine Hérodote. Qu'est-ce qui le fascine particulièrement ? C'est pas tant qu'elle soit reine à Halicarnasse, parce que lui-même étant né à Halicarnasse, il voit ce que c'est. Capitaine de vaisseau, ça le fascine un peu plus, une femme dans les rangs militaires ? Oui, certainement. Bon, j'ai du mal à dire ce qui le fascine, lui, en tant qu'homme, ou en tant qu'historien, enquêteur, poète, je sais pas le terme qu'il faut employer. Qu'elle soit dans une armée, oui, je pense vraiment plutôt ce qui le fascine, c'est cette confrontation avec les Athéniens. C'est le fait qu'elle incarne en fait un type de comportement qui est considéré comme anormal et refusé par les Athéniens. Et, ou en tout cas par l'idéologie athénienne. Non, j'ai les Athéniens, c'est quand même un raccourci. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse, c'est qu'elle elle fait faire... c'est comme l'irruption en fait d'une autre manière de vivre, d'une autre manière de vivre dans le monde grec, en mer Égée, qui est renvoyée aux Athéniens, qui, à l'époque d'Hérodote, sont des gens qui dominent la mer Égée. Et la cité d'Halicarnasse n'est plus du tout tributaire des Perses, mais tributaire des Athéniens. Donc il y a quand même ce rapport, au moment où Hérodote écrit ces histoires, de renvoyer aussi quelque chose aux Athéniens qui les met en doute. Ouais, c'est ça qui est un challenge. Ouais, c'est très intéressant hein, de voir ce jeu, en fait, qui, à l'intérieur des guerres médiques, qui oppose, et je ne dis plus les Grecs aux Perses, parce que j'ai bien compris que ce sont les Grecs du continent aux Perses alliés à des Grecs, à des Phéniciens. C'est dans cette histoire-là que se place Artémise, qu'Hérodote utilise un peu pour titiller les Athéniens. Et puis, vous nous avez évoqué, Violaine Sébillotte-Cuchet, combien Artémise intéresse grâce à ses coups d'éclat, et notamment un coup d'éclat, un tantinet déloyal, toujours Hérodote. Poursuivie par le vaisseau athénien, elle fonça sur un vaisseau ami monté par les gens de Calinda et qui portait le roi même des Calindiens, Damatimos. Elle tira de cet heureux coup un double avantage pour elle-même. Car le triarque du vaisseau athénien, quand il la vit foncer sur un vaisseau barbare, pensa que le vaisseau d'Artémise était un vaisseau grec, ou bien qu'il désertait le parti des barbares et venait au secours des Grecs. Il s'en détourna et porta son attaque contre d'autres vaisseaux. Ce fut pour elle un premier avantage, d'échapper à cette poursuite et de ne point périr. Un second fut que le mal qu'elle avait fait lui valut de jouir auprès de Xerxès de la plus haute estime. On raconte en effet que le roi, qui regardait la bataille, remarqua son vaisseau en train d'en éperonner un autre et qu'un de ceux qu'il avait près de lui lui aurait dit « Tu vois, maître, comme Artémise se bat vaillamment, comme elle a coulé un vaisseau ennemi. » Vanda Bénès, toujours un extrait des histoires d'Hérodote. Hein. C'est une traduction de Philippe Ernest Legrand, publiée aux Belles Lettres, avec ici un moment particulier du temps fort de l'histoire d'Artémise, en tout cas tel qu'il est rapporté par Hérodote. Nous sommes à la bataille de Salamine. Les Athéniens sont opposés à cette troupe composée de Perses, et non pas seulement de Perses, vu qu'il y a Artémise qui représente Halicarnasse. Alors, Violaine Sébillotte-Cuchet, quel est ce coup d'éclat? Que fait-elle, en fait, pour sauver sa peau? Exactement. Elle est très déloyale. Hein. C'est vraiment, on l'appelle ça un coup d'éclat, mais c'est un pied de nez. Elle est poursuivie et par les vaisseaux athéniens. Je vous rappelle qu'ils ont mis sa capture à prix. Il y a un enjeu pour eux de capturer Artémise, parce que quand même, c'est absolument intolérable, dit Hérodote plus loin, qu'une femme participe à la guerre. Donc, elle est poursuivie par les vaisseaux athéniens. Et là, pour sauver sa vie, elle tourne brusquement son navire vers son voisin, qui est un vaisseau de son propre camp, et elle le coule. Et Hérodote dit, personne n'était là pour raconter ce qui s'est passé, ils sont tous morts. Du coup, il n'y a plus de témoins. Et c'est là où on est aussi dans la fictionnalisation de la part d'Hérodote. Personne ne peut dire si c'est vrai ou si c'est faux, cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la conséquence, dit Hérodote, c'est que Artémise 1, elle en tire la vie sauve. Ah oui, parce que les Athéniens disent qu'elle a coulé un vaisseau perse, donc elle est de notre côté. Absolument. Ils se disent, on s'est trompé, c'est pas du tout cela qu'il fallait suivre, ce vaisseau-là qu'il fallait suivre. Donc ils se détournent de sa route et Xerxès, sur le rivage, considère qu'elle a coulé un vaisseau ennemi et du coup il en estime que d'autant plus. C'est fascinant cette histoire-là parce que nous sommes exactement dans ce que vous expliquez, Violaine Sébillotte-Cuchet. C'est Hérodote qui raconte, qui capte l'attention par un moment comme ça. Mais l'historienne que vous êtes, en vous saisissant d'Artémise, change complètement ce regard. Parce que dans l'ouvrage que vous publiez chez Fayard, ce n'est pas simplement raconter ses coups d'éclat. Ce n'est pas plagier Hérodote, ça n'aurait d'ailleurs pas grand intérêt. C'est à partir d'Hérodote insérer la figure d'Artémise dans une histoire beaucoup plus large. Et nous avons bien compris cette opposition qu'Hérodote utilise, la figure d'Artémise, pour titiller un petit peu les Athéniens. Ça vous permet d'approcher une histoire du genre. Que vous apporte-t-elle, Artémise, dans votre étude ? Alors, l'intérêt pour moi, c'était de questionner en fait le regard porté sur Artémise par Hérodote et les personnages qu'il met en scène aux première étape, et se dire mais finalement il montre une femme qui combat sur mer, qui s'en tire, bon on va passer sur sur la fiction, qui s'en tire, mais c'est crédible, en tout cas c'est entendu de manière crédible, et les regards sont pas du tout, ne condamne pas forcément Artémise. Les Athéniens condamnent, mais Hérodote considère qu'elle est admirable, donc il a un regard tout à fait positif. Et puis, encore plus intéressant peut-être, tout l'entourage des conseillers qui sont les chefs de guerre qui entourent le roi Xerxès comme Artémise, ils commandent son action, ils disent soit ils sont jaloux parce que elle est du coup très valorisée par le roi, ils se disent oh, elle va prendre plus de pouvoir, ça va pas du tout, on lui en veut, ça serait bien qu'elle soit un peu discréditée, et les autres qui l'admirent en disant non, c'est une alliée, c'est très bien ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'ils la considèrent comme un chef de guerre, et pas comme une femme. Enfin, pas uniquement comme une femme. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir le poids que prend la question du sexe, être une femme, dans une action et dans une fonction, taxiarque, chef de contingent, de comprendre le poids relatif que prend le fait d'être un homme ou une femme dans la manière d'accomplir une fonction publique. Et ce qui m'intéressait dans cet exemple-là, dans cette anecdote, c'est que précisément, le fait d'être une femme devenait secondaire par rapport à son action. Vous écrivez que les Grecs pensaient qu'il y avait deux sexes et seulement deux. Et puis, très vite, vous dites mais que c'est une affaire éminemment plus complexe. C'est très complexe, en fait, cette lecture du genre. Parce que nous avons une lecture genrée des hommes, des femmes, et l'idée que dans l'Antiquité grecque, les femmes sont écartées de tout pouvoir. En fait, mais ça, votre ouvrage sur Artémise s'inscrit dans vos travaux, Violaine Sibillotte-Cuchet. La place des femmes dans la cité est beaucoup plus importante qu'une lecture très simple. Par d'autres études, nous voyons qu'elles sont présentes. Et Artémise est un excellent exemple. Oui. C'est-à-dire qu'il y a bien deux sexes. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que les sociétés en font ? Qu'est-ce que les Athéniens en font ? Qu'est-ce que les gens d'Halicarnasse en font ? Qu'est-ce que les Perses en font ? Et c'est là qu'on rentre dans le genre, c'est-à-dire comment on interprète le fait de naître fille ou de naître garçon. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quels sont les destins qui sont associés à ces naissances, à ce sexe-là ? Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer que c'était plus complexe qu'une simple opposition, les hommes à la guerre et les femmes à la maison. Ça, c'est le discours stéréotypé que Hérodote met un peu au défi avec cette anecdote en disant « Bah oui, vous dites ça les Athéniens, mais c'est plus complexe que ça, regardez !» Artémise, elle est là, elle combat très bien dans sa fonction, et ses collègues la trouvent tout à fait à sa place. Donc le stéréotype, il fonctionne pas si bien que ça. Donc ça m'intéressait de montrer ça, de montrer qu'il y avait d'autres manières de vivre en tant que femme, on pourrait dire pour les hommes faire la même chose évidemment, d'autres manières de vivre en tant que femme qui étaient considérées comme normales. Voilà, donc ça veut pas dire que les stéréotypes et que le poids de la distinction de genre, les hommes à la guerre, le masculin, on va dire, cette fois-ci, et les femmes à la maison, la construction du féminin, de ce que c'est. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'a pas du poids. Mais il y avait de la place pour aussi d'autres itinéraires. Oui, voilà, c'est ça. Cette étude que vous consacrez à Artémise, c'est une étude aussi sur le genre. Et c'est pourquoi c'est passionnant d'approcher, en fait, des réflexions liées d'ailleurs à l'évolution du regard des historiens et des historiennes sur cette histoire, à partir de cette femme capitaine de vaisseau. D'ailleurs, quelle place laisser au sentiment féminin d'ailleurs, dans cette histoire ? Pierre Grimal, l'historien. Bien, il faut quand même qu'on nous parlions des femmes. Les femmes, elles avaient des sentiments, elles avaient des émotions, elles avaient des passions. Comment étaient-elles? Comment vivaient-elles? Les femmes ont toujours existé. J'espère. Heureusement. Heureusement pour elles-mêmes, d'ailleurs. En Grèce, dans la Grèce classique, il y en avait plusieurs catégories. Il y avait celles qui étaient les mères, c'est-à-dire qui vivaient dans l'intimité de la maison, qui n'avaient pas toujours de leur mari tout le respect qu'on leur souhaitait, qui élevaient les enfants, les filles en particulier. Et puis il y avait alors les autres femmes, celles qui n'avaient pas des devoirs envers la cité, qui n'étaient pas chargées de reproduire, de produire des citoyens. Et alors celles-là, on pouvait en user différemment, elles étaient plus libres. C'est dans l'émission Aujourd'hui Madame, sur Antenne 2, c'était en 1978, que Pierre Grimal évoquait que les femmes ont toujours existé. C'est dit avec beaucoup d'humour, mais à raison. C'est-à-dire que le statut de la femme est beaucoup plus complexe que le sexe homme, femme et la place des femmes dans la société. Violaine Sébillotte-Cuchet, avec Artémise, vous approchez ainsi cette place des femmes qui sont omniprésentes dans la cité. Après, c'est le regard porté. Voit-on cette présence? Artémise, oui, on la voit grâce à Hérodote, mais il y en a tant d'autres qui sont en fait complètement effacées, alors que leur rôle était évident pour les contemporains. Oui, et alors, il y a quelque chose quand même qui est un petit peu gênant toujours, c'est de parler des femmes. Alors, bien sûr, il faut faire l'enquête sur les femmes qui ont existé pour pouvoir étayer, pour pouvoir comprendre ce qu'elles faisaient, quels étaient leurs rôles, leurs fonctions, etc. Mais en même temps, quand on dit, voilà, les femmes, il y en avait, elles étaient mères, elles étaient non-mères, elles étaient libres, etc. C'est, pour les hommes, est-ce qu'on pose ce genre de questions? Ils étaient pères, ils étaient... ils avaient un statut d'homme. Non, ils n'ont pas un statut d'homme. Les femmes, elles n'ont pas un statut de femme. Enfin, il faut sortir de là. Les femmes, ce sont des individus. La question du genre, la manière de regarder avec le genre, c'est de considérer les femmes comme les hommes, comme des individus, indépendamment de leur sexe. Et de prendre un peu de distance par rapport à ce que les sociétés, à un moment donné, dans des contextes donnés, parce que ça change tout le temps, même chez nous, et même dans l'Antiquité, c'est ce que je montre, comment est-ce que la société les regarde? Est-ce qu'elle les regarde vraiment en tant que femme? Ou est-ce qu'elle les regarde en tant qu'individu? Et tout l'enjeu pour moi, c'était aussi de montrer qu'on avait là déjà un personnage qui est une femme, certes, qui est une mère aussi, mais qui est libre aussi, et qui est aussi une chef, qui est aussi une dynaste, qui est un individu complexe, comme tous les individus, comme les hommes, pour lesquels on ne se pose pas la question de dire « Ah non, mais ils sont pères, alors c'est autre chose, ils sont fils, ou ils sont... » Non, ce sont des individus avec beaucoup de facettes, beaucoup de comportements selon les contextes, selon les pratiques. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important, de déconstruire la catégorie « les femmes », d'arriver à comprendre où elle se construit, dans quel type de discours, d'où ça vient. Pourquoi on parle toujours « les femmes » ? Et ça, les anciens, en tout cas les textes déjà de l'époque, d'Hérodote, permettent, en tout cas cette enquête, pour arriver à comprendre qu'il y a effectivement eu des discours qui ont traversé les siècles et qui ont pensé les femmes en tant que catégorie homogène, on peut dire, ou en tout cas unique, à côté des hommes. Et toute l'idée, et tout, je trouve que le texte d'Hérodote le permet, cette anecdote, c'est de faire voler en éclats cette catégorie et de montrer que les femmes sont des individus comme les autres. Avec une lutte permanente et souvent une lutte de domination contre ce que vous venez d'évoquer. Dans le cas d'Artémise, femme combattante, très vite une catégorie s'impose, Amazon. C'est très pratique dans une lecture schématique des événements du passé. Donc Artémise était une femme combattante, c'était une Amazon. Exactement, exactement. C'est une manière de régler le problème, de régler la question et de la mettre à part et aussi de la rendre encore plus fictive parce qu'une Amazon, ça n'existe pas, c'est l'épopée, c'est les poètes. Et alors que bien, il y a eu des femmes combattantes. Il y a eu des femmes combattantes, Artémise, et il y en a eu d'autres encore dans les cités et des femmes dynastes aussi en Afrique du Nord, à Cyrène, etc. Et puis dans cette histoire, parce que il y a l'histoire du moment, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ et Hérodote écrit très peu de temps après les événements, mais cette histoire est sans cesse reprise, et notamment par Plutarque. Alors là, nous sommes beaucoup plus tard, mais ce qui est fascinant, c'est que Plutarque, eh bien, reprend Hérodote, comme beaucoup, bien sûr. Sauf que Ah, il y ajoute un petit truc. Lui, ça ne lui plaît pas, cette histoire d'Artémise, femme capitaine de vaisseau. Ben oui, parce que en fait, chaque auteur est pris dans une intention discursive, veut écrire quelque chose, a un objectif. Et Hérodote, c'était montrer un peu tous les trucs un peu extraordinaires pour faire rêver les gens, puisqu'il était dans la lignée un peu des poètes, hein, on a parlé d'Homère. Plutarque, il est lui dans une perspective beaucoup plus éducative, pédagogique, moraliste, aussi pour édifier son public et donner des modèles de comportement. Et pour lui, le comportement idéal, n'oublions pas qu'il écrit sous l'Empire romain, et qu'il veut, il est grec, et qu'il veut aussi montrer aux Grecs qu'ils peuvent être fiers de leur passé par rapport à la domination romaine. Et donc, qu'est-ce qu'il va... Il va nourrir son discours, justement, des guerres médiques. Et des guerres médiques des Grecs d'Europe, d'Athènes, de Sparte, de Thèbes. Donc, de ces grandes cités-là. Et Artémise, elle a combattu contre ces cités-là. Et donc, elle est renvoyée au monde barbare. Et c'est pour ça qu'il la discrédite, en tout cas il ne veut pas en parler, il la dévalorise. Il dit oui, enfin Hérodote, il en fait une héroïne, mais enfin quand même, elle n'était qu'une femme, elle était certainement là pour garder les enfants de Xerxès et pas du tout pour faire la guerre, il a inventé n'importe quoi. C'est bien parce qu'il vient de la même cité qu'elle, mais il invente vraiment n'importe quoi, c'est un philo-barbaros, quelqu'un qui aime les barbares. Donc on l'élimine, il est traître aux Grecs. Hérodote. Cela dit, Hérodote, il vient d'Halicarnasse, il est aussi un peu carien. Hein, il est un peu... Oui, bah oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que cette histoire est passionnante, parce que c'est une histoire qui se place sur le temps et elle évolue dans le temps. Et puis elle évolue évidemment selon les différents points de vue. Vous disiez Artémise vue comme barbare. Bon, à peine. Vois-tu, mon frère? J'ai épuisé les leurs et les tactiques. Ce sera notre dernière bataille ensemble. J'ai l'impression que nous nous battons côte à côte depuis toujours. Rien ne me ferait plus plaisir que de ranger cette épée. Ce que j'ai demandé est prêt. Sur le pont inférieur. Bien. Es-tu sûr de vouloir engager toutes nos forces? Oui. Sans Artémise pour la commander, la flotte perse n'est rien. Nous ne pourrons jamais l'approcher. Moi, je l'approcherai. Et je mettrai fin à tout cela. Il n'y aura pas la place pour battre en retraite. Je sais. Aujourd'hui, les derniers navires grecs seront détruits. N'ayez aucune pitié. Ne faites pas de quartier. Aujourd'hui, nous danserons sur les cadavres des Grecs. Aujourd'hui, nous obtiendrons leur soumission. Aujourd'hui, je veux sentir la gorge de Thémistocle sous mes semelles. Artémise et Eva Green dans le film de Noam Muro, c'était en 2014, 300. La naissance d'un empire, un film qui a poussé tous les curseurs pour un peu plus loin sur l'Antiquité. Mais ici, malgré tout, c'est un regard très contemporain sur cette figure d'Artémise. Comment évolue-t-elle, Violaine Sébillotte-Cuchet? Nous avons cette Artémise racontée par Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a toute cette évolution, elle est un petit peu mise de côté dès Plutarque. Est-ce qu'elle conserve une certaine aura ensuite? Franchement, il y a un grand trou noir hein, pour Artémise. Hein. C'est, vous avez cité l'épouse de Mausole, Artémise II, on appelle Artémise II, Halicarnasse, hein, qui a vraiment pris la place à l'époque moderne, hein, parce que c'était la figure de la régente aussi, donc inspiratrice pour les régentes et pour les reines. Hein. À l'époque moderne, on est vraiment sur Artémise II, la veuve qui édifie en plus un mausolée pour son époux. Bon. Non, Artémise d'Halicarnasse, celle d'Hérodote ou celle la fille de Lygdamis, ou celle de, elle est vraiment oubliée. Elle sort un petit peu grâce au féminisme parce que c'est une figure de combattante. Mais le film 300 est un rare film en fait, hein, qui la mette. Moi, je connais pas d'autres. Alors peut-être que j'ai pas qui la mette en avant quand on discute avec, quand moi je discute même avec des collègues au début quand je commençais, même des spécialistes. Je leur parlais d'Artémise et ils m'envoyaient des documents sur Artémise II, sur la femme de Mausole. Toujours. Il y a un siècle d'écart. On peut pas... Il y a un siècle d'écart. Ouais. C'est la même cité. Et après, sinon, ben, on me disait, ah, il y a une exposition en Italie, tu devrais aller voir. Ben, c'était Artemisia Gentileschi, la peintre. Enfin, Il y a vraiment, même pour des gens de spécialistes, a priori. Donc, il y a simplement les, bon, bien sûr, les connaisseurs d'Hérodote, les spécialistes d'Hérodote. Et puis, ensuite, les féministes qui ont travaillé aussi un peu sur cette figure. Mais c'est très rare. Hein. Et nous connaissons l'Artémise, alors que vous appelez deux, effectivement, pour ne pas la confondre avec celle dont il est question aujourd'hui. Artémise II, 4e siècle, épouse de Mausole, veuve éplorée, qui construit le mausolée, une des sept merveilles du monde. Mais l'autre Artémise, celle du 5e siècle, celle que vous étudiez, Violaine Sébillotte-Cuchet. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Hérodote évoque son père, d'Halicarnasse, évoque sa mère de Crète. Elle a un enfant et son mari n'existe pas dans cette histoire. Oui, on sait qu'elle est veuve, donc ce qui a dû aider évidemment pour son accession au pouvoir. Mais on ne sait pas très bien si le trône, elle l'obtient de son mari ou de son père. Parce que a priori, elle est quand même... Ou peut-être que d'ailleurs, peut-être on pourrait même penser, parce qu'il y a certains qui pensent, que son mari était son frère, puisqu'elle est fille de Lygdamis, c'est une dynastie, les Lygdamides, que son fils ou son petit-fils s'appellera Lygdamis. Donc on est dans une filiation qui est bien celle qui la relie à son père plus qu'à son époux. Je dis qu'il est peut-être son frère parce que justement dans la dynastie postérieure du 4e siècle, les Hécatomnides, on a aussi des mariages entre frères et sœurs. Hein. Mausole a épousé sa sœur Artémise II qui règne avec lui. Donc, je ne sais plus très bien quelle était votre question, mais en tout cas, on est dans un... La nécessité d'évoquer le mari n'est pas une évidence du tout pour cette antiquité-là. Non. Mais l'écho est extrêmement contemporain. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs de l'école. C'est un extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes que vous placez en épilogue de votre biographie d'Artémise, parce que c'est cette étude sur un personnage dont on sait très peu de choses, merci Hérodote, et que vous, Violaine Sébillotte-Cuchet, vous développez, mais jusqu'au contemporain. C'est ça qui est fascinant, hein, vous faites des clins d'œil dans l'épilogue à aujourd'hui. Oui, parce que c'est aussi une histoire sur les stéréotypes. C'est aussi une histoire sur ce qu'on attend d'une femme. Et donc, le texte, j'adorais, de Virginie Despentes, parce que c'est vraiment montrer que, oui, la femme idéale, ça n'existe pas. Donc, l'Athénienne idéale, la Grecque idéale, la femme mère au logis, peu respectée de son mari, etc. Ces figures-là, c'est des figures qui n'ont jamais de concret, de réalité concrète. L'expérience, c'est pas ça. Et les femmes ne sont pas juste des femmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que, voilà, le livre, à partir d'Artémise, c'est aussi une histoire de la manière dont on a construit cette figure de la femme idéale, ce stéréotype de la femme au foyer, et pour montrer que déjà, malgré tout, dans cette construction, on la voit d'autant mieux qu'on peut enquêter sur les réceptions beaucoup plus contrastées, des pratiques différentes dans les cités, que maintenant on avait des femmes très très très respectueuses, des Athéniennes, même parce que je vais jusqu'aux Athéniennes, très très respectueuses, des femmes de très très bonne famille, honorées par la cité, et qui étaient dans des fonctions publiques, qui donnaient des ordres à des hommes, à des citoyens, dans leur sanctuaire par exemple. Voilà, qui donnait des ordres à des citoyens, et dans tous les cas, mieux vaut être une femme libre qu'une femme esclave ou qu'un homme esclave, et ça ne se construit pas, mais je pense que nous l'avons bien retenu, Violaine Sébillotte-Cuchet, uniquement par une lecture du genre divisé en deux, homme-femme, cela se décline, mais c'est ça qui est passionnant dans l'histoire avec des individus. Oui. Des individus, c'est une histoire très incarnée. Artémise, Hérodote, le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Une femme capitaine de vaisseau dans l'Antiquité grecque ». Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté Artémise, bien sûr, mais aussi cette démarche, ces travaux, c'était passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup, il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous pourquoi les pantomimes lumineuses avaient beaucoup de succès à la Belle Époque ? Émile Reynaud, né en 1844 et mort en 1918, était le fils d'un graveur de médailles et horloger qui lui enseigna très tôt la mécanique de précision. Sa mère, aquarelliste, lui apprit les techniques du dessin. Dès l'âge de 13 ans, Émile mit à profit ses compétences pour réaliser un théâtre d'ombre. En 1876, après avoir exercé divers métiers en rapport avec l'optique et la photographie, il inventa une machine qu'il appela le praxinoscope, dont le fonctionnement était basé sur le procédé des miroirs tournants. Il perfectionna progressivement son invention pour mettre au point un théâtre optique en 1892. L'originalité de ce procédé était qu'il permettait de projeter des images animées pour de petits spectacles qu'Émile Reynaud appelait des pantomimes lumineuses. Il dessinait et coloriait lui-même ses personnages, directement sur le support avec des encres transparentes. Reynaud réalisa ainsi les premiers dessins animés du cinéma mondial projetés sur un écran installé dans le cabinet fantastique du musée Grévin. Il fut aussi le premier à proposer des projections d'images animées sur grand écran pour un public rassemblé dans une salle obscure. Chaque projection étant accompagnée par une musique spécifiquement composée pour le spectacle, on peut dire que Reynaud fut également un pionnier dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes originales des musiques de films. Comme Reynaud projetait lui-même les images, il avait la possibilité de ralentir ou d'accélérer leur rythme. Il pouvait aussi opérer des marches arrière ou des arrêts sur image en fonction des réactions du public. Ce qui ajoutait encore à l'originalité d'une invention qui combinait le spectacle enregistré et le spectacle vivant. Le succès fut au rendez-vous, puisque plus de 500 000 spectateurs assistèrent à ces représentations entre 1892 et 1900. Malheureusement pour lui, Émile Reynaud fut la victime des autres innovations technologiques qui émergèrent au même moment. La plus célèbre fut celle des frères Lumière, qui débutèrent les premières projections du cinématographe en décembre 1895 dans un café du boulevard des Capucines à Paris. Au départ, Reynaud fut convaincu que ce genre d'invention n'aurait pas d'avenir, car elle se contentait d'enregistrer la réalité, alors que lui créait des œuvres d'art. De plus, ces pantomimes lumineuses racontaient des histoires complètes qui pouvaient durer jusqu'à 5 minutes, alors que les premiers films des frères Lumière ne duraient que quelques dizaines de secondes. Mais Émile Reynaud raisonnait comme un artiste artisan et pas comme un industriel. Le problème majeur que posait son praxinoscope tenait au fait qu'il n'était pas possible de faire des copies pour exploiter les pantomimes lumineuses dans d'autres salles. Refaire à la main les quelques centaines de dessins qui composaient chacune de ces histoires était impossible d'un point de vue financier. Il finit par sombrer dans le désespoir. Après avoir vendu sa machine au chiffonnier, il détruisit ses précieuses pantomimes lumineuses en les jetant dans la Seine. Aujourd'hui, il n'en subsiste que 2 exemplaires conservés par la Cinémathèque française et le CNC. Centre national du cinéma et de l'image animée. Eh bien, merci pour toutes ces images, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Shirley Adélaïde, Margot Viel et Mayouen Guizhou, émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.